Stop music. Les estivales de l'été, Dust sur Galaxy, avec le fameux Dreams. We'll be right back. reaching out. Reaching out.

Radio Galaxy. Thank you.

Thank you. Galaxy avec un instant Robert Armani. C'était Hit Hard sur le label Music Man, la version originale bien sûr. C'était mixé par DJ Dust que vous avez retrouvé déjà depuis tout à l'heure, depuis 15h sur la fréquence de Galaxy.